carnaval ne va pas passer, tu n'as pas envie de connaître. Et tout problème et souci, on nous voyait monter. On est à la panne et dormi, tout pour n'en point en point. Et tout ça qui ne peut pas bouger, on t'y pensait pour le tourner. C'est maman et la cababille. Pour qui ça? Y'a pas qu'à t'en tambour encore. Pour qui ça? Électronique, y'a qu'à t'en. Fopni, comme ça. Électronique, y'a qu'à t'en. Fopni, comme ça. Et sous les temps tambour à sonner. Ouais. Et sous les temps tambour à moucler. Ouais. Et sous les temps tambour à parler. Ouais. Et sous les temps tambour à mouler. Ouais. Patrick, réceptionnez. Gigantesque que les délicates se conjuguent pour se durcir.